Bonsoir et bienvenue dans cette Vampire Freaks numéro 11. Je suis ravi de vous retrouver pour votre émission favorite sur cette antenne. Ce soir c'est rock'n'roll. On commencera avec le dernier Iron Maiden, Speed of the Light, premier single de leur tout premier double album, Book of Souls, sorti il y a 15 jours. Je diffuserai ensuite Pas de Justice, Pas de Paix de Brigada Flores Magón, tiré de l'album De Tout pour Tous, paru en 2007. Il est en écoute sur toutes les plateformes légales. On s'écoutera ensuite Touch Me des Doors de l'album Soft Parade, paru en 1969. On y retrouve entre autres Wild Child, Easy Ride et The Soft Parade. Cet album est souligné par des cuivres et c'est sa particularité d'ailleurs par rapport aux autres albums. Je passerai ensuite Crétin Forever de Les Crétins des Alpes, de l'album Yodé, sorti en 2014. Je vous rappelle qu'ils vont sortir un nouvel album en fin d'année. J'ai hâte de vous diffuser les singles de ce nouvel album. D'ici là, je vous diffuserai d'autres morceaux de Yodé. Et on finira ce bloc avec Tostaki de Noir Désir en live, extrait de l'album En Public. Et oui, c'était la dernière tournée des Noirs Dés et il est sorti le 19 septembre 2005. Au passage, Noidem, que je diffuse régulièrement, m'a annoncé qu'il sera en concert le 21 et 28 novembre dans les Ardennes. Allez les voir si vous êtes dans le coin et merci pour eux. Hi! hasard. Le femme sans visage, atterré, sage, soyons désinvolte, n'ayons l'air de rien. On poursuivra cette soirée en musique avec Hell Nation des Dead Kennedys, tiré de l'album Frankenchrist, sorti en 1985. Il avait fait scandale avec sa pochette. Je vous diffuserai ensuite Champion de l'évolution des ordures ioniques, tiré de leur dernier EP Kick la Catcan, paru il y a une semaine. J'en diffuserai d'autres morceaux dans l'émission des ordures ioniques. On en reparlera. Ils ont plein de dates en France à confirmer. Je vous les annoncerai. Allez sur la page Facebook des ordures ioniques. Faites-leur un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Je passerai ensuite Uncork Wat People d'Israel Vibration de leur album Uncork Wat People sorti en 1980. Sur cet album, on pouvait entendre Mr. Tax, Mr. Tax, Mr. Taxman, We Are the Rasta et Uncork Wat People entre autres. Je passerai ensuite La philosophie du chaos d'Hubert Félix Thiéphène tiré de l'album Tentation du bonheur en 1996. C'est le 11e album studio de Thiéphène. On retrouvait dessus 24 heures d'une nuit d'un faune. Orphée 98 et Copyright Apéro Mondi notamment. Et il y a 15 jours, j'ai diffusé Be Now, j'ai su que ça vous a plu. Alors ce soir, je vous proposerai For The Rock, extrait de son premier album, dont je diffuserai Docs d'extrait. Et on finira ce bloc en live avec Vaudou de Black Sabbath, de l'album d'anthologie live, Live Evil en 1982. manners to tender her with the shower water. Shower water, the fountain that controls everything and delivers and rain. I love to see when there's a whole lot of rain. It tells me there are some when they pray it is in vain. Words once spoken cannot be seen but will be heard. Make sure whenever you utter a speech, your words be always in fine. Identifying the Lord and Savior Jesus Christ. Speaking of the offspring of King David. Identifying the leader to eternity that is manifested in reality. Whoa, cool down the earth with the shower of rain. With the shower of rain, that cool down the earth. That nurse the tender herb with the shower of rain. That water the fountain that controls everything and delivers and rain. Yeah, yeah, yeah. Babylon has conquered some. He has offered unconquered people. Unconquered people. Confession must be in your possession. The vibes is spreading so universal. The vibes is spreading so universal. Unconquered people, thou art to be natural. Jah cool down the earth with the shower of rain. The shower of rain, Jah cool down the earth. Jah nurse the tender herb with the shower of rain. Jah water the fountain, Jah controls everything and delivers and rain. Jah is a pressure. Jah cool down the temperature. Jah leave it continually. Jah leave it and rain. Jah rain. Jah rain. Jah rain. Jah rain. Rastafari. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Yeah. Yeah. C'est pas parce qu'on aime pas les gens qu'on doit aimer les chiens. C'est pas parce qu'on a mille pieds dedans qu'on doit y mettre les mains. J'ai mon orang-outan qui me lèche et me chatouille les reins. Pendant que sa maman me sèche et m'essuie le bassin. Hey hop! Hey hop! C'est pas parce qu'on aime pas le Coran qu'on doit finir chrétien. C'est pas parce qu'on est des connards qu'on doit devenir crétin. J'ai mon orang-outan qui grille sur mon vieux barbecue. Pendant que sa maman s'étrie et se met au garde à vous. Hey hop! Hey hop! C'est pas parce qu'on est pas bandant qu'on doit rougir d'être sain. C'est pas parce qu'on flingue ses amants qu'on doit se passer de câlin. J'ai mon orang-outan qui fond doucement sous mes papilles. pendant que sa maman se tond pour devenir un gorille. Hey hop, hey hop. C'est pas parce qu'on aime pas les gens qu'on doit aimer les chiens. C'est pas parce qu'on a mille pieds dedans qu'on doit y mettre les mains. J'ai mon nouveau gorille qui me lèche et me chatouille les reins, pendant que le néant me sèche au fond de son bassin. Hey hop, hey hop. C'est pas parce qu'on enlève son gant qu'on doit serrer les mains. Et c'est pas parce qu'on monte au banc qu'on doit descendre à jeun. J'ai mon nouveau gorille qui grille son gras sous mes alouf, pendant que le néant m'étrille à mort et me rend louf. Hey hop, hey hop, hey hop, hey hop, hey hop, hey hop. Est extrêmement faible, le rock est une façon nulle d'occuper le terrain intellectuel et le terrain culturel. Le rock'n'roll, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? On est venu parler de musique ce soir. J'ai pas beaucoup entendu parler d'harmonie, de rythme, de contrepoint. Monsieur qui nous parle d'harmonie et qui a appris et qui utilise ça comme un musicologue. Et rock, c'est ceux qui jouent. Le rock rend idiot et presque débile. C'est une agression très mauvaise et subliminaire du cerveau. Absolument. Et voilà, ça, c'est ce que vous pensez dans votre petite tête. Bah oui, ah bah ça, écoutez, si vous voulez nous donner du rythme binaire jusqu'à demain matin, vous aurez fait du rythme binaire. C'est quoi binaire? Bah voilà, vous ne connaissez rien en musique. Ce qu'est le rock alternatif. C'est le rock qui bouge, quoi. Quelque chose d'indépendant, de différent, et ça c'est bien qu'il soit différent. Et du rock alternatif, ça veut dire il propose autre chose. C'est pas comme une chanson qui passe à la radio, télévision. On veut pas rentrer le système, on veut pas gagner d'argent, on veut rien faire, on veut défendre la musique. Non mais là, on assiste à une espèce de post-scoutisme post-68ard. Je ne sais pas si j'ai entendu la bande à Basile, les musclés, ou alors Soldat Louis. Mais merde! Yeah. something for you from the very, very first Black Sabbath album. As we said, the very first album. The album was called Black Sabbath. And the song, oddly enough, vous savez, cette émission devient de plus en plus internationale et c'est tant mieux. J'ai Brian de Montréal au Québec qui m'a demandé Cardiff Bourne de The Oppressed. Alors pour toi mon cousin, voici Cardiff Bourne, extrait du 33 tours vinyle split entre The Prowler et The Oppressed. Amitié à toi et des becs à porceurs. Je passerai ensuite Les Martyrs de Tiken Jaffa Coli, extrait de l'album Cours d'Histoire, paru en 1999. On pouvait y entendre Politique et Kelly, Oba Oba notamment. Je diffuserai ensuite The Walk of Life de Dire Straits, tiré de leur superbe album Brother in Arms, sorti en 1985. Une tuerie cet album, que des tubes, So Far Away, Money for Nothing. Et le très touchant Bonheur in Arms. J'ai envie de gros son live, alors on s'écoutera Money Talk d'ACDC. Du live, double album paru en 1992. C'était pour la tournée Razor Edge, le premier live d'ACDC que j'ai entendu et qui m'a confirmé dans mes idées rock'n'roll. Et on finira ce bloc avec Le Corsaire, le grand coureur des naufragés, extrait de l'album S'abeigne en 1990. On y retrouvait l'harmonica, Lola d'un quin seul amant et Marin Pêcheur. C'est un de mes albums préférés. pardonner, mais jamais oublier. Ils ont oublié Thomas Sankara. Oublié. Ils ont oublié Davio Amourin. Oublié. Ils ont oublié Norbert Songo. Oublié. Ils ont oublié Sekou Sanogo. Oublié. Ils ont oublié Vame Touré. Les parents de la victime n'oublient jamais. C'est pourquoi, c'est pourquoi. Nous allons pardonner, mais jamais oublier. Nous allons pardonner, mais jamais oublier. Mon retémoine qui est rédien. Mon retémoine là, qui est rédien. Mon mosicana monnaie. Qui est rédien, mon grand témoin est là. Qui est rédien, il gagne à mon air. Il gagne à mon air. Il gagne à mon air. Massacre l'intellectuel de Nouyamba. Il gagne à mon air. L'onjan jan sévérité. Il gagne à mon air. Le corsaire, le grand coureur, est un navire de malheur. Quand il se met en croisière pour aller battre l'anglais, le vent, la mer et la guerre tournent contre le français. Allons les gars, gué, gué, allons les gars, gaiement. Il est parti de l'Orient avec belle mer et bon vent. Il cinglait pas bord à mur, naviguant comme un poisson. Un grain tombe sur la mâture, voilà le corsaire en ponton. Allons les gars, gué, gué, allons les gars, gaiement. Il nous fallut remater et diablement bourlinguer. Tandis que l'ouvrage avance, on aperçut par tribord un navire d'apparence amantelé de sabord. Allons les gars, gué, gué, allons les gars, gaiement. C'était un anglais vraiment à double rangée de dents. Un marchand de mort subite, mais le français n'a pas peur. Au lieu de prendre la fuite, nous le rangeons à l'honneur. Allons les gars, gué, gué, allons les gars, gaiement. Ses poulets sifflent sur nous, nous lui rendons coup pour coup. La barbe en fume à nos braves matelots. Nous voilà pris dans la brume, nous échappons aussitôt. Allons les gars, gué, gué, allons les gars, gué, non. Pour nous refaire des combats, nous avions un long repas. Des courganes et du larance, du vinaigre au lieu de pain. Le biscuit pourri d'avance et du camphre le matin. Allons les gars, gué, gué, allons les gars, gué, non. Nos prisons pour le 6 mois ont pu se monter à 3. Un autre plein de savates, un troisième de fumier. Allons les gars, gué, gué, allons les gars, gaiement. Pour finir ce triste sort, nous venons périr au port. Dans cette affreuse misère, quand chacun s'est cru perdu, chacun selon sa manière se sauver comme il a pu. Allons les gars, gué, gué, allons les gars, gaiement. Si l'histoire du grand coureur a pu vous toucher le cœur, ayez donc de belles manières et payez-nous largement. Du vin, du rat, de la bière, et nous serons tous contents. Du vin, du rat, de la bière, et nous serons tous contents. Allons les gars, gaiement, allons les gars, gaiement, allons les gars, gaiement, allons les gars, gaiement. On poursuivra cette belle soirée avec La vie c'est rock'n'roll de Jerem, extrait du merveilleux album Et nous, on est où, paru en 2014. Allez faire un coucou sur la page Facebook de Jerem Guitare Rouge Musique. J'ai eu un message avant-hier de Stéphane, qui nous écoute lui aussi au Québec, en me disant qu'il aimait bien l'émission. Et pour toi, je dédicace Albert Noël de Fidel Fiasco, de leur génial album Banal et Paétique, paru en mars 2015. Une bombe, on peut entendre Le Clown, Le Monde m'énerve, des becs à toi aussi mon copain. Je diffuserai ensuite Malavida de la Mano Negra, extrait de l'album Pachanka, sorti en 1988. Un monument cet album. On finira ce bloc en live avec Serge Gainsbourg et Harley Davidson of a Beach de son live au Casino de Paris en 1986. Il est en forme le Serge sur ce live. Dans ce morceau, il y a un des meilleurs solos de batterie que j'ai jamais entendu. Et le batteur de ouf qui est l'auteur, c'est Tony Thunder Smith. Il a fait la batterie sur les albums Love on the Beat et You're Under Arrest. Yeah. côté blues. Wow, yeah, la vie c'est rock and roll. Wow, yeah, la vie c'est rock and roll. C'est rock and roll. Et dis donc, David, fils de pute. Harley Damon, son of a bitch. Qu'est-ce que tu fais sur ma Harley? Hein? Harley Damon, son of a bitch. Si tu veux pas que je te bute. Harley Damon, son of a bitch. Faudrait me la rendre et vite fait. Quand tu as fumé du jute. Harley Damon, son of a bitch. Tu sais plus très bien ce que tu fais. Harley Damon, son of a bitch. Ça y est, t'as le gourdin, t'es en route. Harley Damon, son of a bitch. Ces vibrations te font de l'effet, hein. Que tu décides. Tu vas aux putes. Harley Damon, son of a bitch. Ou alors tu vas voir les gays. Harley Damon, son of a bitch. Et dis donc, David, fils de pute. Harley Damon, son of a bitch. Qu'est-ce que tu as fait de Harley? Prévenir ta chute. Harley Damon, son of a bitch. Tu es mort sur le coup, c'est bien fait. down the earth. Janus to tender her with the shower water. Shower the fountain that controls everything and the living and rain. I love to see when there's a whole lot of rain. It tells me there are some when they pray it is in vain. Words once spoken cannot be seen but will be heard. Make sure whenever you utter a speech, your words be always in fine. Identifying the Lord and Savior Jesus Christ. Speaking of the offspring of King David. Identifying the leader to eternity that is manifested in reality. Whoa, cool down the earth with the shower of rain. With the shower of rain, Jah cool down the earth. Jah nurse the tender herb with the shower of rain. Jah water the fountain. Jah controls everything and delivers and rain. Yeah, yeah, yeah. Offered unconquered people, unconquered people. Confession must be in your possession. The vibes is spreading, so universal. The vibes is spreading, so universal. Unconquered people, thou art to be natural. Jah cool down the earth with the shower of rain. The shower of rain, Jah cool down the earth. Jah nurse the tender herb with the shower of rain. Jah water the fountain. Jah controls everything and delivers and rain. Jah is a pressure. Jah cool down the temperature. Jah leave it continually. Jah leave it and rain. Jah rain. Jah rain. Jah rain. Jah rain. Rastafari. Yeah. Oh yeah. Ooh. Yeah. Yeah. Yeah. Je suis fan de métal et ici nous le sommes tous un peu. Récemment, j'ai découvert le groupe extraordinaire Abinaya qui a sorti en 2014 un super album Beauté païenne. C'est leur deuxième album. Ce soir, je diffuserai Arawak. Leur musique ressemble à du Sepultura ou à du Soulfly, mais avec des textes en français et très engagés. J'en diffuserai d'autres si vous aimez. Et pour info, Abinaya en sanskrit veut dire transmettre ce qu'ils font très bien au travers des textes et de leur musique. Bonne soirée à eux. Je vous propose ensuite Vite Grenier, des Noirs de Nez, les Princes de Bretagne, extrait de l'album Indigné presque parfait, sorti en 2014. On peut y entendre Steron, Gozonigo, entre autres. Pareil, j'en diffuserai d'autres dans les prochaines émissions. Puisqu'on était dans le métal ethnique, je passerai Tribe de Soulfly, emmené par Max Cavalera, ex-Sepultura, du premier album éponyme Soulfly, sorti en 1998. Perso, c'est mon album préféré de Soulfly. On poursuivra ensuite avec Change My World de Broussailles de l'album In The Street sorti en début d'année et Them Beautiful en live de Bob Marley and The Wailers pour finir ce bloc. We'll be right back. croire que mon père, la chair de votre chair, en serré dans des tringles. Les épieux de leur croix sur les montagnes, lieu après lieu, ils ont vidé les cieux, n'ont laissé qu'à l'aveu, celui d'être coupable, coupable, coupable. Les cartons de souvenirs d'hiver, les premiers sont venus très tôt. We'll be right back. Simplicité, ce que j'aime toucher l'éternel. Sans combler d'artifice, besoin matériel. Pour n'envoiler accumulation superficielle. Est-ce que le prix de l'étiquette fait la valeur des choses? Remplir et entasser un vide jusqu'à l'overdose. Tout jeter, recommencer sans jamais faire de pause. Sur quel sentiment ma satisfaction repose? Tant d'objets inutiles, d'actes futiles. De barricades, quelle est la direction pour éviter les embuscades? Chaque coin de rue propice à la dégringolade, personne n'en verra debout et dans le trou pendant la noyade. Je relève la tête, reprends une bouffée d'oxygène. La vie n'est pas facile, je sais, parfois elle nous malmène. L'obscurité pue sa force dans la douleur, dans la peine, mais j'ai trouvé l'interrupteur, la lumière reprend les rênes. L'avenir entre ses mains, face à son destin. I can change my world.